Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Un nouveau numéro du Figaro Histoire vient de paraître avec en couverture un grand dossier intitulé « L'Iran, de la Perse des chats à la République islamique ». Franck Ferrand l'a parcouru en avant-première. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai personnellement visité une partie de l'Iran pour la première fois là, il y a quelques mois. C'est vous dire si j'ai dévoré ce beau numéro du Figaro Histoire. Notre invité cet après-midi en est le rédacteur en chef, Geoffroy Caillet. Et vous allez nous raconter un des grands règnes de l'histoire iranienne. Oui, celui d'Abbas Ier, le plus prestigieux des chats de Perse, c'était au XVIe siècle. Nous évoquerons aussi une invention, à laquelle l'Iran n'est pas totalement étranger, puisqu'il s'agit de l'invention des lunettes, figurez-vous. Ah bon ? Ah oui, vous allez voir ça. Quant à Lorena Martin, elle nous conduira jusqu'à des lieux embaumés, sur les cours au masculin et dans les cours au féminin de la cité d'Ispahan, la moitié du monde. À la fin du XVIe siècle, la Perse chancelle, l'Empire est menacé de toutes parts, à l'ouest par le puissant Empire ottoman, à l'est par le redoutable Empire moghol, et en son cœur par les terribles Ouzbeks, c'est vous dire que les menaces sont multiples. L'État safavide est au plus mal, le Shah Mohammad, qui est aveugle, a le plus grand mal à affirmer et maintenir son autorité, et autour de lui, on se dispute pour le pouvoir, des luttes intestines qui affaiblissent encore davantage l'Empire. Disons-le, la Perse est au bord du gouffre, prête à sombrer. La situation semble désespérée, les Ottomans sont prêts à annexer la région, à engloutir leur ennemi héréditaire. Ils sont là, les Ottomans, qui n'ont cessé de s'agrandir depuis près de 3 siècles maintenant. Pour redresser le pays, il faudrait un monarque fort, puissant, une personnalité inhabituelle, un grand souverain qui puisse sauver la dynastie. Le Shah Mohammad a 3 fils, pour tout vous dire. Parmi eux, le deuxième, le jeune et délicat Abbas, a été envoyé au plus loin du pouvoir, à l'autre bout du royaume, dans le Khorasan, une région menacée par les Ouzbeks, justement. C'est le verrou stratégique pour faire barrage à l'ennemi. Le petit Abbas représente là-bas le pouvoir royal pour veiller sur la ville sainte de Mashhad. Rien ne prédestine donc ce jeune homme à monter sur le trône. Il grandit loin de son père et de ses 2 frères. Il est assez isolé, vous l'avez compris, loin de sa famille. Ça va avoir une importance déterminante, ça, pour la suite, car c'est peut-être cet éloignement qui va faire qu'Abbas sera prêt à écarter son père et à tuer ses 2 frères pour le pouvoir. Vous voyez, je vous livre la solution de l'énigme, même si ce n'est pas tout à fait lui qui est à l'origine de ces manœuvres meurtrières. Alors il est là, oublié dans ce coin lointain de l'Iran, le petit Abbas. Il a été pris en charge par un mentor, un homme de l'ombre, ambitieux, entreprenant, qui s'appelle Morshed Holi Khan. À la tête d'une tribu illustre, les Kizilbash, les têtes rouges, Morshed rêve de diriger l'Empire en sous-main. On l'appelle le faiseur de rois. Or, très vite, cet homme-là comprend que le jeune Abbas est la proie rêvée, un instrument comme on n'oserait en rêver pour s'approprier le pouvoir. Il va prendre cet enfant sous son aile, il le façonne, il le forme, il l'éduque, il l'initie à tous les grands savoirs, à l'équitation, à la chasse, etc. Et sous la coupe de Morshed, le jeune Abbas apprend le persan, bon ça vous allez me dire, ça te paraît un peu évident, mais le turc, le géorgien, un certain nombre de langues qui pourraient par la suite lui être très utiles. Et pendant ce temps, le père d'Abbas, donc le Shah Mohammad, fait face à des difficultés grandissantes. L'Empire ottoman est prêt à faire chuter sa dynastie. L'armée du sultan Mourad III est aux portes de l'Iran, aux portes de la capitale perse, à Qazvin. Le Shah Mohammad est trop faible pour reprendre véritablement la situation en main. Et c'est son épouse qui, à sa place, va prendre les rênes de l'Empire. Elle fait proclamer son fils aîné, donc le frère aîné d'Abbas, vous l'avez compris, elle le fait proclamer prince héritier. Un jour, elle-même est assassinée par des guerriers ottomans et là, l'anarchie se met à gagner tout l'Empire. Le prince héritier entre sur le devant de la scène. Tout ça, c'était sans compter avec les manœuvres d'Abbas et de son mentor. Morshed est là, qui entend bien profiter du chaos pour imposer son petit protégé. Il fait assassiner le prince héritier. Le Shah Mohammad est complètement effondré. C'était son principal soutien qui vient de disparaître. Il nomme à ce moment-là le petit frère d'Abbas, son 3e fils, prince héritier. Ce qui déroge complètement aux règles de succession, bien entendu, puisque normalement c'est Abbas qui aurait dû succéder. Et le jeune homme, le jeune Abbas, plus que jamais, se trouve maintenant dans la main du puissant Morshed. le Morshed qui fait proclamer Abbas sultan du Khorasan. Vous voyez qu'on fait quasiment scission déjà. Il va faire tuer le second frère d'Abbas et puis il fait lever une armée menée par Abbas lui-même qui marche donc droit vers la capitale, vers Qazvin. Sur sa route, Abbas est acclamé comme un sauveur. Il est maintenant le sauveur de la Perse. Le roi légitime a déjà quitté la capitale lorsque Abbas arrive à Qazvin et qu'il est littéralement porté en triomphe. Le gouverneur lui remet les clés de la ville. Morshed parvient à convaincre les différents chefs militaires qui jusqu'alors s'étaient montrés fidèles au Shah Mohammad de rallier son protégé. Oh, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est ça ou la mort. Et voilà comment le Shah Mohammad, qui est abandonné maintenant de toutes parts, y compris par ses plus fidèles soutiens, le Shah va essayer dans une dernière tentative vaine de s'opposer au coup d'État de son fils. Que voulez-vous qu'il fasse ? Et d'autant qu'Abbas le devance habilement. Il va chercher son vieux père aveugle sous sa tente, il lui rend hommage, il lui offre un palais. Bref, il neutralise les derniers soutiens sur lesquels son père pouvait encore espérer s'appuyer. Abbas, désormais, est seul au pouvoir. Il va pouvoir être proclamé Shah Abbas Ier. On est là le 1er octobre 1587. Vous voyez, pour vous donner une idée, on est en pleine guerre de... deux ans plus tard, ce sera Henri IV qui est roi de France. Hein. On est dans les guerres de religion chez nous. À seulement 17 ans, le beau prince oublié du Khorasan règne désormais sur la Perse. Et vous aurez bien compris que derrière lui, en réalité, c'est bien entendu Morshed qui est là, dans l'ombre, dominant, calculateur et s'arrogeant tous les pouvoirs, faisant d'Abbas une sorte de prête-nom. Pour endormir l'éventuelle méfiance de son protégé, Morshed fait même comparaître les assassins de ses frères devant un juge religieux. Et le nouveau Shah n'a pas tellement le choix pour le moment. Il obéit à son mentor, docilement, sans dire un mot. Il est encore adolescent, il suit les ordres, si vous voulez, en silence. Il observe Morshed s'attribuer les pouvoirs, s'installer dans le palais de l'ancien prince héritier, nommer, destituer les ministres. L'homme fort de l'ombre appose même désormais son propre sceau aux côtés de celui du nouveau Shah. Vous imaginez la vexation pour Abbas, qui pour l'instant ne dit rien. Mais parce qu'il a bien l'intention de s'imposer un jour. Son jour viendra. Et d'ailleurs, un jour, c'est la goutte de trop. Morshed explique à Abbas que s'il refuse de lui obéir, il le remplacera par un autre Safavide. Ah, ça, c'était la parole à ne pas prononcer. Abbas va donner l'ordre à 4 officiers d'assassiner Morshed Holy Khan. Et le 23 juillet 1589, le mentor est éliminé. Ah, mais Abbas n'est plus la marionnette, il devient, si j'ose dire, le marionnettiste. Son règne peut commencer avec un défi très important, un défi qui n'est pas des moindres, redresser la Perse. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous sommes cet après-midi, grâce à vous Franck Ferrand, au cœur de l'histoire d'Abbas Ier, le grand Shah de Perse Safavide. Alors à la fin du XVIe siècle, on l'a vu, il a éliminé tous ses rivaux, il s'est imposé à la tête d'un empire perse au bord du gouffre et il doit maintenant restaurer la grandeur de l'empire. Alors avant de poursuivre l'histoire d'Abbas Ier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette dynastie des Safavides ? Fondamentale, cette dynastie, Abbas Ier descend d'une lignée très prestigieuse, ces Safavides sont originaire du Kurdistan iranien. Autant vous dire que ce sont des Turkmènes, en vérité. Et cette dynastie a fondé sa légitimité sur un ordre religieux, la confrérie des Safaviyyeh, d'où son nom. Et c'est une confrérie chiite. C'est Ismaïl Ier, le premier de la dynastie, le fondateur de la dynastie, qui a instauré, qui a converti la Perse au chiisme. Le but, c'était d'imposer un État à l'identité spécifique face au puissant empire ottoman, sunnite, lui, évidemment. Le chiisme s'est donc propagé, mais dans un climat tendu. Vous avez bien compris que les successeurs d'Ismaïl, que ce soit Tahmasp, Ismaïl II, ou donc le Muhammad dont je vous parlais tout à l'heure, ont du mal à affirmer leur autorité dans cet État qui est en proie à toutes sortes de conflits et qui est menacé d'invasion. Et c'est Abbas qui, le premier, va renforcer la puissance de l'empire, et il a d'autant plus de mérite à le faire que la situation qu'il trouve en montant sur le trône est assez catastrophique. Dites-vous que plus que jamais, les Ouzbeks, les Ottomans sont là, qui poussent sur les frontières, les conflits armés se multiplient, la capitale est à deux doigts de chuter. Et donc Abbas, vous l'avez compris, a commencé par accourir à Qazvin. Il doit remédier à cette situation, il doit trouver un accord de paix, quitte à accepter une défaite. Et il va signer avec le sultan ottoman, avec Mourad III, un traité de paix. Il met sur pied une magnifique délégation pour accueillir le sultan avec tous les fastes, tous les honneurs dont cette cour millénaire est capable. Le traité est largement favorable aux Ottomans qui obtiennent l'Arménie, la Géorgie, tout l'ouest de l'Azerbaïdjan quand même. Donc vous voyez qu'Abbas, s'est amputé de la moitié d'un bras pour obtenir tout ça. Et il déclare prophétiquement « Nous sommes contraints aujourd'hui de reculer ». Mais ces provinces ne sont pas perdues pour toujours. Lorsqu'on vous a coupé le bras, vous continuez à avoir mal, vous savez. Le jeune Shah a agi stratégiquement, il a neutralisé donc la menace extérieure, ce qui lui permet de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Il va redorer l'image de l'Empire, si je puis dire, et de sa couronne. Et c'est vrai que là, sa personnalité va beaucoup plus contribuer. Il a le don de la communication, comme nous dirions nous aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il est très beau, il est élégant, il est charismatique, il est majestueux. Dites-vous que c'est un jeune homme de 20 ans qui a les traits gracieux, le visage bronzé, des yeux clairs, un nez fin. Bref, il est idéal dans le rôle d'un grand roi. Il aime qui plus est la poésie. C'est un mystique. On le voit déambuler dans de magnifiques vêtements richement brodés. Comment voulez-vous ne pas sentir votre cœur battre pour ce souverain qui s'appuie sur sa lourde épée comme on le ferait sur une canne et sur sa tête ce large turban décoré de pierres précieuses telles que la Perse seule est capable d'en produire. À sa ceinture, un châle enroulé autour de sa taille, il a accroché un somptueux poignard orné là encore de bijoux invraisemblables. Bref, il est l'éclat personnifié, ce jeune Shah Abbas, qui va même imposer de nouvelles modes, puisque c'est lui qui, dès la deuxième année de son règne, décide de se raser la barbe. Alors tout le monde va en faire autant, il ne gardera qu'une fine moustache. Dans la capitale, ça provoque dans un premier temps le scandale, puisque vous savez que chez les Iraniens, la barbe de tout temps est un attribut sacré pour l'homme. Les religieux chiites sont offensés, seulement peu à peu, on s'habitue, et donc les hommes se rasent la barbe et on va porter la moustache à la Abbas. Abbas qui sait se montrer proche de son peuple régulièrement. On le voit sortir de son palais déguisé en homme du peuple pour justement voir comment se passent les choses. Donc il est en tenue toute sobre, de coton, de lin. Il se fond dans la foule et infiltre cette foule jusque dans les tavernes pour écouter les discussions, pour essayer de tâter le pouls du peuple, si vous voulez, savoir ce qu'on pense de lui et ce qu'on pense du gouvernement, etc. Abbas entend établir au sein de son empire la justice la plus directe. Il veut réformer l'État en profondeur et le renforcer par la même occasion. Il commence par choisir de nouveaux emblèmes, le lion, le soleil, c'est de là que ça date, ce lion et ce soleil qui si longtemps ont figuré sur le drapeau de l'Iran. Surtout, il se lance dans une profonde réforme de l'État. On le voit remplacer les vieux seigneurs féodaux par une aristocratie nouvelle, une aristocratie au mérite, si je puis dire, avec notamment un grand vizir chargé de collecter l'impôt. Il s'agit, dit-il, c'est Yves Beaumati qui nous dit ça, de substituer au système féodal ancien une structure étatique pyramidale. Au sommet de cet édifice, le Shah lui-même, ombre de Dieu sur terre, le maître parfait, le soufi gardien de la foi et de la loi. On est en présence d'un monarque absolu tel que les inventeront un certain nombre des régimes occidentaux dans les siècles qui suivent. Le gardien de la foi se révèle être un fin connaisseur des religions de son pays, nous dit toujours Yves Beaumati, l'islam certes, mais aussi le zoroastrisme, ainsi que le christianisme et le judaïsme, fait rare pour son temps, car si le Shah, on l'aura compris, est un musulman chiite tout à fait convaincu, très pratiquant, il n'en est pas pour autant fanatique, il va même faire preuve d'une remarquable tolérance pour son temps, il considère que la religion, en fait, doit surtout se trouver au service du pouvoir, ce qui lui permet de se montrer ouvert à l'égard d'un certain nombre de communautés comme celle des Juifs ou celle des Chrétiens. Il protège les Arméniens qui servent le lien avec l'Occident chrétien. Il accepte que des missionnaires chrétiens s'installent en Perse et propagent là-bas leur foi, même si ça reste à la condition qu'ils n'obligent personne à se convertir, ai-je besoin de le préciser. Cette tolérance n'est pas désintéressée, j'espère que vous l'avez compris. Elle va bien sûr dans l'intérêt de la nouvelle couronne, car en maintenant de bonnes relations avec l'Occident, le Shah Abbas peut dessiner une contre-alliance. Il peut prendre, si vous voulez, l'Empire ottoman en étau. Il a toujours en tête de récupérer ses provinces perdues. Rappelez-vous, au moment où il est monté sur le trône, il avait dû faire cette espèce d'amputation. Il n'entend pas se laisser faire et même il a l'intention d'attaquer au plus vite. ce nouveau chapitre, hein, de se lancer dans la reconquête de son royaume face à cette armée ottomane qui, à l'époque, fait sans doute figure de l'armée la plus puissante du monde. Avant de passer à l'offensive, il lui faut réformer la sienne d'armée. Alors il met sur pied une force d'une quinzaine de milliers de cavaliers, 12 000 fantassins, 3 000 gardes impériaux qu'il recrute un peu partout. Il va jusqu'à recruter des officiers anglais, les frères Shirley en l'occurrence, pour organiser une armée à l'européenne, si l'on peut dire. Et dans un premier temps, fort de cette armée, il commence par régler la question ouzbek. N'oubliez pas hein, que les Ouzbeks occupent Herat, Machad, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le 9 avril 1598, les soldats d'Abbas assiège Machad, la ville est saccagée, le Khan et la population ouzbek sont obligés de fuir et l'Iran reprend donc ses droits sur toute cette région, puis sur Herat. Abbas se pose donc là en véritable chef de guerre, sûr de lui, sûr de la puissance de ses troupes, même lorsqu'elles sont épuisées, il est là, qui les encourage, qui les galvanise, un petit peu le côté Alexandre le Grand, qui dans ces régions, ne l'oubliez pas, a laissé un véritable souvenir. L'Iran, désormais libéré du joug ouzbek, va pouvoir se tourner vers le véritable ennemi, vers le géant ottoman qui est là, toujours aux portes et qui a grignoté une partie du territoire. Il faut dire que pendant des années, le Shah a rongé son frein, vous l'aurez compris. Il en a accepté, il en a gobé des couleuvres. Eh bien maintenant, l'heure a sonné de sa vengeance. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Perse éternelle. Vous nous emmenez sur les traces d'Abbas Ier le Grand. Alors il a décidé maintenant qu'il est libéré du joug ouzbek. Il vient de très loin effectivement et maintenant il a décidé de se tourner vers le géant ottoman. Ça y est, sa vengeance est prête maintenant. Oui, Franck. Alors il va commencer d'ailleurs en 1602. Il fait capturer carrément l'ambassadeur ottoman, Mehmet Aga, et il lui fait couper la barbe. Et qu'est-ce qu'il en fait de la barbe, d'après vous? Il la met dans un beau coffret et il l'expédie à la Sublime Porte. Et il va l'envoyer au sultan de Constantinople. Allez, allez. Et ça achève évidemment de mettre le feu aux poudres. Les conflits sont terribles, sanglants. Les troupes d'Abbas ont été hyper entraînées, vous l'aurez compris. Et les Ottomans, cette fois, sont obligés de reculer. Ils sont un peu partout massacrés. Les villes qu'ils occupaient sont saccagées. Même le sultan Mehmet III va être assassiné. Les troupes d'Abbas s'emparent bientôt de Nahavand au Louristan, puis de Tabriz et d'Erevan en Arménie. Bref, la victoire est incontestable. Le Shah sait très bien que les Ottomans ont quand même de la ressource, qu'ils pourraient riposter, alors il décide de faire déplacer carrément des populations entières. Dans les zones tampons entre les deux empires, il fait migrer 50 000 Arméniens vers l'intérieur de l'Iran, vers Ispahan. Vous imaginez un peu ça, ce mouvement de foule invraisemblable dans le froid glacial, dans le vent, le paysage gelé, ces milliers d'Arméniens qui marchent vers la nouvelle capitale iranienne. Ils sont brutalisés, ai-je besoin de vous le dire, une grande partie d'entre eux ne survivra pas à ce très long exode. Seuls 30 000 arriveront à la destination finale dans un faubourg d'Ispahan que leur a réservé Shah Abbas. Le 14 janvier 1624, Abbas finira par s'emparer de Bagdad. Ah, l'ombre de Cyrus le Grand n'est pas si loin, vous voyez. On va en reparler hein, de cette continuité assez phénoménale dans toute l'histoire iranienne. Bientôt, au-dessus des toits de la ville, on voit fièrement flotter dans le vent ce drapeau orné du lion et du soleil, ce drapeau de la Perse éternelle. En quelques années de règne, cette Perse a regagné tous ses territoires, plus d'un million de kilomètres carrés, dont une immense partie au centre entièrement désertée. Faut-il le préciser. L'image de l'Empire a retrouvé de sa grandeur, notamment grâce à la nouvelle capitale installée à Ispahan, que les Perses appellent la moitié du monde. Quel joli surnom. Au milieu de ce joyau de l'architecture iranienne, au cœur de l'Empire, dans les sublimes mosaïques bleues, ce bleu d'Ispahan tellement particulier, ces mosaïques également jaunes, turquoises, ces coupoles dorées, le Shah peut contempler son œuvre du haut de la terrasse. C'est Jean Giraudoux qui disait que le privilège des grands était de contempler les catastrophes d'une terrasse, c'est aussi parfois de contempler leur victoire. Et c'est vrai qu'il a entièrement réussi, Shah Abbas. Est-ce qu'il est pour autant apaisé ? Non, car avec la vieillesse, il devient de plus en plus tourmenté. C'est un homme dont on pourrait dire qu'il est paranoïaque. Il a l'obsession qu'on vienne lui prendre son trône. Il est hanté par la suspicion. On le voit chaque soir faire préparer 10 lits dans 10 endroits différents pour qu'on ne puisse pas savoir où il va dormir, vous savez. Et un jour, il apprend, par exemple, que son fils aîné s'appelle Safi Marzi, au cours d'une soirée qui a été un peu arrosée, son fils s'est vanté de bientôt être le prochain Shah. Aïe, aïe, aïe, c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut surtout pas dire, ça. Dès sa sortie du hammam, le prince héritier est littéralement massacré. Et on verra Abbas, dans ce qui devient une forme de folie paranoïaque vers la fin de ses jours, on le verra faire crever les yeux de ses deux autres fils. Il est maintenant ivre de culpabilité. On pense aussi à Ivan le Terrible en Russie, quelques temps plus tôt, hein, qui est tout à fait dans le même état d'esprit. Et il va finir, Abbas, par mourir malade, seul, le 21 janvier 1629. Et là, toutes les communautés religieuses, musulmanes certes, mais aussi chrétiennes, juives, vont assister aux funérailles du grand souverain. Je cite Yves Beaumati une dernière fois dans ce récit de Mathilde Hirsch. La dépouille du grand roi est placée dans un cercueil. Fait incroyable, une chaîne humaine se forme pour que d'épaule en épaule, il ne touche jamais la terre. Le cercueil royal traverse villes et villages, mont de l'Elsbourg, sommet de l'Elbourg. Forêt sombre de Mazandaran jusqu'à ce que, après 500 kilomètres, ils parviennent enfin à Kashan, où 20 000 Géorgiens, entre autres, se sont massés, se frappent la poitrine. C'est là que le grand roi va reposer. Bonjour Geoffroy Caillé, nous avons parlé de cette haute figure de l'histoire iranienne, il y en aurait un certain nombre à citer, et je me disais que ce qu'il y a de fascinant à chaque fois, c'est que tous ces grands souverains n'ont quasiment qu'une obsession, c'est d'occidentaliser leur pays. Pardon, nous relevons d'un grand week-end de Pâques, vous savez, il faut se remettre au travail. Ils sont fascinés comme l'étaient les tsars de Russie, un peu à leur manière, par l'Europe et par l'Occident, ces chats de Perse. Oui, sauf que dans leur cas, ça remonte à beaucoup plus loin, et on peut faire remonter cette filiation à l'époque des Perses achéménides, à l'époque de Cyrus, et en fait, le thème d'une identité perdue parcourt toute l'histoire de la Perse devenue Iran, et notamment évidemment les 5 siècles au cours desquels l'Iran moderne est reconstitué au début du XVIe siècle avec Ismaël Ier dont vous avez parlé jusqu'à la révolution islamique de 79 avec des hauts et des bas mais à mesure que la tenaille russo-britannique fait sentir sa pression sur le pays ce thème rejaillit et surtout il devient un étendard pour les Pahlavis au XXe siècle. Sitôt repoussé si je puis dire les Ottomans qui ayant compris la leçon vont se tenir à peu près tranquilles au-delà de la zone tampon, c'est vers le nord que se poseront les problèmes avec effectivement les Russes et les Anglais, disons le un peu plus tard quand même, un siècle et demi plus tard. Oui, au 19e siècle, l'Iran devient la cour de récréation des Russes et des Britanniques parce que les Britanniques ont leur possession indienne toute proche et que évidemment les Russes convoitent avec l'accès au golfe Persique qui est un enjeu majeur. Tout ça va contribuer à faire de l'Iran vraiment une zone tampon dont on essaie de faire ce que l'on veut en lui arrachant le maximum de bénéfices, notamment commerciaux. Vous avez intitulé le grand chapitre de votre dossier consacré à Abbas Ier, Abbas le chat soleil. On peut faire une sorte de parallèle ou d'équivalence avec un Louis XIV chez nous. C'est un souverain absolu du même genre, en tout cas. Écoutez bien qu'il ait vécu à l'époque d'Henri IV et Louis XIII. Je pense que, on l'a compris en écoutant votre récit, il est assez proche de Louis XIV dans la mesure où, outre le fait d'être presque son contemporain, ça a été un roi bâtisseur, hein, bâtisseur d'Ispahan. En tout cas, il a fait d'Ispahan sa capitale. Il lui a donné l'ampleur qui est encore celle qu'elle a aujourd'hui. Et puis, c'est un roi réformateur, hein, de son armée, de son administration. De ce point de vue-là, c'est un roi sans équivalent dans le monde perse. On peut dire qu'il crée l'Iran moderne, il modernise complètement toutes les troupes, enfin l'armée, il fixe les frontières, il impose sa couronne comme une grande puissance, qu'il fait rentrer dans ce que l'on pourrait appeler avec un anachronisme le concert des nations. Il favorise également un certain nombre de systèmes administratifs qui vont permettre de limiter les famines sur place, etc. Bref, c'est un d'un très grand souverain et à côté de ça, à titre privé, c'est un homme insupportable, d'un égocentrisme effroyable et qui fait beaucoup de morts autour de lui. Alors dans un petit cercle, certes, mais quand on a les yeux crevés, on a beau se dire que c'est dans un petit cercle, c'est toujours désagréable quand même. Drôle de figure quand même. Oui, c'est une figure très contradictoire et l'Iran n'en manque pas. Hein. La Perse du 16e, 17e siècle ni l'Iran du 20e siècle n'en manque. On peut penser aussi à Mohamed Zand à la fin du 18e siècle, fondateur de la dynastie suivante, les Qadjars, qui fait énucler les soldats de son rival par centaines. Alors c'est assez curieux parce que ça se passe exactement au moment de arracher les yeux. Il leur fait arracher les yeux et on fait des petits tas de globes oculaires à travers tout le palais. C'est exactement d'ailleurs au moment de la grande terreur de la Révolution française. Vous voyez qu'il y a une sorte de parallèle de part et d'autre de la Caspienne. Des petits tas de globes oculaires. Il est 14h34. Si vous avez des habitudes espagnoles, bon appétit à tous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous emmène au cœur de la Perse éternelle. Grâce à votre invité, nous allons savoir plus sur le pays, sur ses chefs et ses chats. C'est Geoffrey Caillé que vous recevez, il est rédacteur en chef au Figaro Histoire et vous êtes plongé comme tout au long de ce week-end pascal au cœur de ce numéro spécial du Figaro Histoire, l'Iran de la Perse des chats à la République islamique, le numéro d'avril et mai 2018. Oui, ça me rappelle de beaux souvenirs, même s'ils sont récents. Il y a énormément de touristes qui prennent en ce moment la direction de l'Iran. La République islamique est en train de s'ouvrir un peu au tourisme. Évidemment, les Français sont en première ligne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez 3 touristes sur 4 qui sont des Français en Iran en ce moment. Vous êtes conscient de cet engouement, si je puis dire, Geoffroy Caillé ? Oui, on est ravis de le stimuler et de l'accompagner. Effectivement, tout le monde parle de l'Iran. Les récents mouvements de fin décembre ont à nouveau remis un coup de projecteur sur le pays, mais je crois que la passion et la fascination que suscite l'Iran est ancienne de toute façon. Elle n'a jamais tari depuis 79 et bien avant. Bien sûr. Alors cette fascination, elle s'appuie, il faut dire, sur un certain nombre de civilisations absolument hors du commun. On pense aux grands Achéménides, évidemment, qui sont tout simplement fascinants dans les vestiges qu'ils nous ont laissés, pas seulement à Persépolis. Il suffit d'aller se promener au Louvre, hein, tout simplement, quand vous voyez les très grands, la Padana dessus, tout ça, c'est absolument sublime. Il y a eu les Achéménides, il y a eu les Séleucides, les Sassanides, là je vous parlais des Safavides. Ça paraît très savant dès qu'on parle d'histoire iranienne. En fait, c'est relativement simple, il faut rassurer nos auditeurs. Oui, c'est une succession de dynasties qui sont interrompues un premier temps par la conquête islamique au 7e siècle et qui se reforment en 1501 quand une nouvelle dynastie reprend le contrôle sur l'ensemble de tribus qui dominent le territoire qui est actuellement celui de l'Iran et qui recrée un État unifié à cet endroit. Et donc 3 dynasties principales vont se succéder jusqu'à la chute du Shah Mohammad Reza Pahlavi en 79. Ce sont des dynasties qui sont fondées sur un État centralisé et sur une forme de monarchie sacrale également, hein, très important. Oui, c'est une monarchie sacrale, d'autant plus que le fondateur des Safavides, donc de l'Iran moderne, Ismaël Ier, est aussi un chef religieux. Vous l'avez dit, il impose Alors, le chiisme. Voilà, c'est le chiisme, ça change tout, évidemment. Ça change tout, c'est l'imposition du chiisme par Ismaël Ier à ses sujets, c'est fait de façon parfois assez cruelle, mais ça a été un enjeu politique déterminant, essentiellement pour se distinguer de ses voisins, ottomans d'un côté, arabe de l'autre, ça a été un marqueur très fort, hein, à tel point que même quand la Perse perd contre l'Empire ottoman à la bataille de Chaldir en 1514, l'Empire ottoman n'annexe pas la Perse pour autant et on attribue au chiisme, à cette différence essentielle, le fait que malgré tout la Perse ait résisté. On dit empire iranien, empire perse, parce qu'il est constitué de peuples différents. Il faut peut-être expliquer. D'abord, il faut dire qu'il y a au centre une sorte de très grand désert, hein, ce grand plateau très aride qui est très peu peuplé. La population se concentre sur les pourtours du pays avec des origines ethniques très différentes, évidemment. Oui. Il y a à peu près 80 ethnies différentes sur tout le territoire iranien. Un premier groupe qui est constitué des Persans et les Kurdes avec lesquels ils ont une origine commune. Ensuite, il y a tout le groupe des Turkmènes ou Turcomans, toutes les tribus qui parlent une langue turque. Et puis, et eux-mêmes sont très nombreux, et puis il y a tout le groupe, vous en avez un petit peu parlé, des Arméniens déportés à Ispahan, également des Juifs qui s'installent à Ispahan, ainsi que les Arabes qui vivent aussi sur le territoire perse. Quels sont les rapports entre la couronne et ce clergé chiite ? Parce que la particularité particulier chez les musulmans du chiisme, c'est qu'ils possèdent un clergé, contrairement au sunnisme. Oui. Quel est le rapport entre les prêtres, si je puis dire, et les rois et les empereurs ? L'idée dans le système chiite tel qu'il a été développé en Perse, c'est que le monde religieux et ses chefs en particulier constituent un des leviers du pouvoir, pas le levier principal, et c'est à l'empereur, au shah, au roi, de décider s'il doit l'actionner ou pas. Et bien que les tribunaux religieux jusqu'au XXe siècle existent et que la charia y est appliquée, en cas de conflit entre le religieux et le politique, c'est toujours le sceptre qui tranche, qui l'emporte sur le turban. Et les cas litigieux sont réglés par le shah lui-même. Oui. Et généralement, ils sont réglés de façon un peu forte, on va dire, un peu brutale même, hein, il faut quand même le dire. Oui, la brutalité fait partie des méthodes de gouvernement. Alors, les trois dynasties modernes sont donc celles des Safavides, dont nous avons fait un rapide survol à travers la personnalité de leur restaurateur, le shah Abbas Ier, ensuite les Qadjars, dont vous nous parliez, en attendant les Pahlavis à une époque beaucoup plus récente. Oui, les Qadjars reprennent le pouvoir après quelques décennies troubles au milieu du XVIIIe siècle. Ils reprennent le pouvoir et ils vont se succéder jusqu'en 1925, jusqu'à l'arrivée de Reza Pahlavi. Malheureusement pour eux, leur règne va correspondre à celui du grand déclin de la Perse, celui pendant lequel la Russie et la Grande-Bretagne vont chercher à s'emparer du pays. Et on a toute une succession de despotes, hein, mais qui d'une certaine façon n'en ont pas vraiment les moyens et qui ne vont pas protéger leur pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur place, cette décadence, on la voit, elle est très visible à travers les monuments du 19e siècle et du 20e, n'en parlons même pas, à travers l'art, etc. Parce que ce qu'on aurait peut-être tendance ici à oublier, c'est que ce gigantesque empire perse a été un creuset culturel et scientifique absolument unique. Un très grand nombre de grands médecins, de grands mathématiciens, de grands architectes, de très grands artistes, de poètes, etc., sont persans. Et l'influence de la Perse sur l'ensemble de la pensée, si je puis dire, dans le monde entier, à différents siècles, a été très grande, en fait. Il faut insister là-dessus, peut-être. Oui, l'Iran est une civilisation exceptionnelle, qui se manifeste de bien des façons, à commencer par la poésie. Alors, la poésie est presque un peu antérieure, elle correspond plutôt à l'époque médiévale, la grande époque de la poésie. Mais l'art de la céramique, l'art de la miniature, l'architecture qu'on peut voir à Ispahan, la peinture animalière, exactement, l'art du portrait aussi à certains égards, tout ça se manifeste dans la culture de l'Empire perse de façon extraordinaire et on en voit aujourd'hui des exemples entiers, y compris dans les musées de leurs rivaux de l'époque, c'est-à-dire les musées britanniques et l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, puisque beaucoup de trésors iraniens ont été emportés à cette époque dans ces pays. Et ce qui est assez fascinant, c'est le niveau culturel d'une population qui pourtant a subi la République islamique depuis quand même quelques années. C'est le moins qu'on puisse dire maintenant, et qui reste très raffiné, très cultivé. Le niveau général de la population est inouï. Vous croisez dans la rue, ça je l'ai vécu, des gens qui vous arrêtent parce qu'ils voient que vous êtes français, qui se mettent à vous réciter du Victor Hugo en français quand même. C'est assez inouï. On peut comprendre la fascination des peuples occidentaux pour cette grande civilisation perse. Alors, dans un instant, si vous voulez bien, nous allons entrer dans la politique, si je puis dire, et dans tout ce qui s'est passé, alors on va dire depuis un gros siècle. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Perse éternelle cet après-midi, une émission en partenariat avec le Figaro Histoire qui vous propose pour ces mois d'avril et mai un numéro spécial consacré à l'Iran, de la Perse des chats à la République islamique. Et vous recevez le rédacteur en chef du Figaro Histoire cet après-midi, Geoffroy Caillé. Alors, on peut dire de ce numéro qu'il embaume, hein, l'eau de rose. On est dans les grands poèmes, au cœur de ces jardins, avec ces fontaines merveilleuses. C'est quelque chose d'inouï quand même, toute cette civilisation qui fait constamment une sorte d'équilibre entre l'héritage zoroastrien et antique, et puis l'islamisation et le côté chiite de la société. Les deux sont très mêlés en fait, Geoffroy Caillé. Oui, on voit que jusqu'au bout, les Iraniens tiennent les deux bouts de la corde. Il y a des périodes où l'islamisation est rejetée d'une certaine façon et les racines antiques prennent le dessus, et d'autres fois où c'est plutôt l'inverse. Et on se rend compte que depuis la révolution islamique de 1979, les références antiques n'ont pas été gommées comme on aurait pu le penser, et que les sites archéologiques achéménides, à Persépolis, etc., sont mis en valeur parce que les mollahs ont compris que que c'était de l'identité même du pays qu'il s'agissait. Oui, ça fait partie des racines profondes de l'Iran qui ne sont pas rejetées, contrairement à ce qu'on peut vivre dans d'autres républiques islamiques. Je voulais signaler une exposition qui s'appelle « L'Empire des Roses », chef-d'œuvre de l'art persan du 19e siècle. C'est au musée du Louvre-Lens, vous savez, et c'est jusqu'au 23 juillet prochain. Cet « Empire des Roses », c'est chef-d'œuvre de l'art persan, donc à Lens, au Louvre-Lens. Je voulais citer des livres également, hein, de la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire, d'Ardavan Amir Aslani, ça c'est aux éditions de l'Archipel. Et puis, nous nous sommes beaucoup appuyés, au-delà de l'article du Figaro Histoire, sur l'ouvrage d'Yves Bomati et Ushang Nahavandi, qui s'appelle « Shah Abbas, empereur de Perse », qui est publié chez Perrin. Une espèce d'effloraison, de foisonnement d'ouvrages, d'articles, d'expositions sur l'Iran, qui montre quand même, qui témoigne justement un peu de cette ouverture, si l'on peut dire, et de ce nouvel intérêt des Français pour la civilisation perse, Geoffroy Cayet. Oui, je crois que toutes ces manifestations montrent que depuis le comte de Lille et ses roses d'Ispahan, l'intérêt pour le pays demeure. Et alors, à propos de cette très belle exposition du Louvre-Lens, c'est très intéressant. On y voit notamment des portraits de Fat Ali Shah, qui est un chat du début du 19e siècle et qui avait un soin très particulier pour sa barbe, qui apportait un soin très particulier à sa barbe. Et il y avait un peintre de cour qui était censé la tailler en pointe de façon parfaitement triangulaire. Et alors, c'était un sujet, évidemment, c'était le sujet favori des caricaturistes russes, puisque c'était à l'époque des deux guerre contre la Russie, et alors représenter ce chat avec sa barbe parfaite, on en voit des exemples à l'exposition du Louvre-Lens. Je parlais de la fascination pour l'Occident, il est certain qu'au 19e siècle, sous cette fameuse dynastie Qadjar dont vous nous parliez, qui va perdurer jusqu'en 1925, un certain nombre des chats de Perse passent plus de temps au Ritz à Paris que dans leur pays, bien entendu. Hein. Ça a joué aussi un rôle, c'est-à-dire que je pense à Nasser Erdin Shah, par exemple, qui a passé beaucoup de temps en Occident, qui s'est promené. Oui, c'est même le premier chat à aller en Occident. Hein, il y est allé trois fois au cours de trois voyages au cours desquels il a été reçu dans toute l'Europe en 1873, 78, 83, 89. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a écrit un récit de voyage après son premier séjour. C'est les lettres persanes version réelle. Exactement, c'est les lettres persanes qui adviennent vraiment à la fin du 19e siècle. C'était d'ailleurs diffusé sous forme de feuilleton dans la Gazette officielle en Perse. Et alors, le chat raconte sa rencontre avec la reine Victoria, avec l'empereur, avec Guillaume II, avec le maréchal de MacMahon, et il fait une série de notations d'un ton très détaché, en expliquant qu'il a goûté la moutarde de Dijon, qu'il a bu un toast, il a porté un toast à la reine, qu'il a bu du sirop avec le tsar, etc. C'est très distrayant, et il était censé... On a un écho de son voyage dans la recherche de Proust, d'ailleurs. Oui, exactement. Il a marqué les consciences de son temps. Alors, 1925, c'est un simple général qui prend le pouvoir, si je puis dire, et qui crée une nouvelle dynastie, celle des Pahlavi. Il était le père du Shah d'Iran que nous connaissons. Oui, c'est son propre père et il était issu, on peut dire, de pas grand-chose, hein, une origine assez obscure, une famille d'officiers pauvres au service des Qadjars. Et après avoir, en 1921, rétabli l'ordre à Téhéran avec l'aide des Britanniques, il prend l'ascendant et c'est lui qui se retrouve bientôt Premier ministre, qui pense instaurer une présidence de la République, les religieux s'y opposent. Et alors, la voie qui se dessine, c'est évidemment celle de devenir le nouveau Shah, le nouvel empereur, au prix évidemment d'une nouvelle dynastie, de la fin des Qadjars et l'avènement des Pahlavi. Avec toujours cette volonté de moderniser, qui sera alors tout à fait prégnante chez son fils et successeur, chez Mohamed Reza Pahlavi, hein, qui voulait faire de l'Iran une grande puissance moderne. Nous avions eu l'honneur, il y a à peu près un an maintenant, de recevoir ici Sa Majesté l'impératrice Faradiba, qui nous avait montrer à quel point c'était une sorte de foi de son mari, hein, de moderniser l'Iran. Oui, alors... Parce qu'on ne dit plus la Perse maintenant. Depuis 1931 ou 34, okay. Officiellement, c'est l'Iran. Hein. Mohamed Reza Pahlavi a lancé ses réformes, hein, connues sous le nom de Révolution Blanche en 1962-63, qui ont été un échec politique, mais un succès du point de vue de ses résultats économiques et sociaux. Mais il faut dire que tout avait commencé avec son père, hein, qui était le premier à instaurer des tribunaux civils, qui ont donc privé d'affaires religieuses 90% du clergé qui jusque-là rendait la justice et la charia. C'est lui qui a imposé le costume occidental, c'est lui qui a fait construire le chemin de fer transiranien de la Caspienne caspienne au golfe Persique. Et son fils a mené et étendu ses réformes du côté du droit de vote des femmes, du côté d'une réforme agraire de grande envergure, avec évidemment aussi certaines limites, puisque une partie des domaines sont tombés dans la propriété de la couronne, si vous voulez. Mais on a eu une série de grands réformateurs avec le père et le fils en l'espace de 30 ans. Alors, tout en vous écoutant, je feuillette le magazine. Alors, je vois, comme toujours, vous avez fait cette espèce de présentation, de galerie de portraits avec les grandes figures de l'histoire iranienne, un dictionnaire des personnages. Et alors, sur la dernière double page, on a justement le Shah d'Iran et l'Ayatollah Khomeini. Qu'en est-il aujourd'hui de ce clergé chiite qui dirige le pays officiellement, en tout cas est-ce qu'ils s'inscrivent dans les traces des anciens Shahs de Perse? C'est difficile à préciser parce qu'ils ont avant tout une œuvre de religieux. Ce qui est certain, c'est que le souvenir de ce qu'a été la puissance politique des Shahs ne peut que les inspirer, puisque officiellement ils sont les dépositaires, dans la mesure où le président élu, lui, est beaucoup a un pouvoir beaucoup moindre, bien moindre. Du coup, les religieux ne peuvent que tirer profit de l'exemple des anciens Shahs. Oui. L'Iran, de la Perse des Shahs à la République islamique, c'est le grand dossier que le Figaro Histoire consacre donc, vous l'aurez compris, à la Perse éternelle. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de la Perse éternelle. Il est temps d'aller sur place. On a fait connaissance avec le Shah Abbas Ier, le Grand. Il est temps maintenant de suivre ses traces avec Lorena Martin. On est dans sa ville, une ville qui au XVIIe siècle comptait quand même 162 mosquées, 48 madrassas, 182 caravansérails et 273 hammams. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Vous nous amenez donc à Ispahan. Ça fait rêver tout le monde. Cette ville magnifique à 400 km de Téhéran. Et aujourd'hui, la ville moderne en sert le centre historique, mais on peut toujours voir, vous l'avez dit, des minarets, des dômes dans ces tons de bleu qui nous font nous tant rêver. Et parmi les monuments que l'on doit à Abbas Ier, il y a bien sûr tout d'abord cette place, la place royale, qui est vraiment le cœur historique de d'Ispahan, qui est typique de l'architecture iranienne. C'est une place rectangulaire, à ciel ouvert, qui est bordée de ces quatre iwans. Iwan, c'est-à-dire ça fait comme des espèces de grands porches, comme des arcs de triomphe un peu, hein, si l'on veut. Et ces quatre côtés sont bordés par quatre édifices, deux mosquées, la mosquée de l'imam et la mosquée Loftola. Un palais, Ali Kapou, et le portail d'entrée du bazar. Et aujourd'hui, les galeries de la place sont en réalité occupées par des commerces d'artisanat, puisque Ispahan, c'est aussi le foyer de l'artisanat, et notamment de ces fameux tapis persans. Oui, parce qu'il faut aller au bazar d'Ispahan, bien sûr. Il faut absolument aller au bazar, construit là encore sous Abbas Ier. C'est l'un des plus grands et des plus beaux d'Iran. On y trouve des commerces, caravansérails, ateliers, hammams. Et il possède une rue principale qui est voûtée de coupoles, qui serpente sur près de 1 km et qui mène à la mosquée du vendredi. Et alors, comme le pays est quand même sous fort embargo, que tout est un peu compliqué, on risque un peu moins qu'ailleurs sur les sites touristiques de ramasser des objets made in Taïwan. C'est-à-dire que c'est un véritable artisanat local, d'une qualité d'ailleurs absolument invraisemblable. Hein. C'est tout à fait comparable aux articles de luxe de nos grands faiseurs, en fait. Hein. Complètement. Et ces fameux donc tapis persans en couleur bleue, crème, vermillon, qui ont souvent un médaillon central entouré d'arabesques qui nous font qui nous plaisent tant à nous. Des jardins aussi extraordinaires. Des jardins fabuleux. Le palais chez El Sotoun. Chez El Sotoun, qui est à l'ouest de la place royale, qui trône donc dans un très beau jardin. Et le nom du palais signifie 40 colonnes, puisque les 20 colonnes du portique se reflètent dans un long bassin rectangulaire et les colonnes soutiennent un superbe plafond de bois peint et marqueté. Et c'est un palais qui était autrefois le lieu des réceptions des ambassadeurs étrangers. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, nous revenons aujourd'hui sur les origines d'un objet que beaucoup connaissent bien. Ce sont les lunettes, Franck. Et, oui, et figurez-vous que c'est un persan. Hein, qui s'appelait Ibn al-Haytham al-Azin, son véritable nom, qui était un grand, à la fois mathématicien et philosophe perse, qui a établi le pouvoir grossissant des verres à phases arrondies, qui a beaucoup étudié l'optique, pour tout vous dire. Et donc, on est là juste avant l'an 1000 et on commence à utiliser déjà les lunettes. Des verriers italiens vont constater que les verres à surface convexe améliorent la vue des personnes âgées. Ça, c'est vers la fin du XIIIe siècle et à la fin du 13e, c'est également Roger Bacon, alors là lui c'est un franciscain anglais, hein, qui va inventer au sens propre les lunettes qu'on trouve, rappelez-vous, dans Le Nom de la Rose. Ces lunettes, elles vont se développer à partir du 14e siècle, mais elles ne deviennent, à travers toutes sortes de formes particulières, d'un usage courant que dans le courant du XVIIe siècle seulement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.